Viens avec moi. La vie est ce qu'elle est, mec, un chemin de croix. Crois pas que je suis résigné, je rêve de signer. Je vais pas réchigner à faire mon taf. Slap et les signes, mon insigne. On perpétue ce que la vie enseigne. À la même enseigne avec nos choix. Nos conditions toutes les mêmes face aux imposteurs et leur imposture. Deux poids, deux mesures, on pense aux blessures. On veut du plaisir et sur la table des graves. Des graves, des graves sur les murs. Construire solide et que ça dure. Je veux une autre suite, cesser de faire le beat. Me rasoir au pupitre et écrire ces quelques lettres. Pour être le mec que je voulais être. Jamais me compromettre, aller à la quête du Graal. Les coups durs, les mecs qui râlent. Parce que la vie est sale, salée, puissée. Brasser du bon, nager dans le sang. Jusqu'à mon plus vieil âge, garçon. C'est comme ça que la vie nous a fait, ouais. Lever, Lausanne, Renan, Genève. On rêve de partir, loin de cette patrie. Marseille, LA, New York, Paris. Pas de retour en arrière, ce qui est fait, fait, ouais. Cuba, Haïti, Maldives, Bali. Vision d'une autre vie, on marche au son de nos batteries. J'ai plus qu'un théorème, en vrai la vie ça tient à rien au plus. Et quand on rêve on l'aime, le seul moyen d'être bien peut-être un gros pet aux lèvres. J'tousse, si trop l'herbe j'kiffe, ça va peut-être changer, qui sait. 3 ans que j'écris des textes esquissés, plissés sont mes paupières si j'ai trop teasé. L'esprit crispé, c'est quand j'écris, c'est lyrique, c'est épileptique. Pas pédophile, j'ai jamais épié les petites. J'fais le fit, préfère les risques. Pour le paradis, franchement j'hésite, sceptique. Distance, entre futur et présent mais sans assistance. Donc chacun fait ses spliffs en patientant. Je veux bien rester ici mais pas 100 ans. En attendant je cause le peu de choses qu'on kiffe en s'y suspend. Le rap, ma mère, ma lune et mes potes sur le banc. Sur ce plan, c'est pas prêt de changer, ouf hein. Parce que moi j'ai rien d'autre qu'un album dans le couffin. C'est comme ça que la vie nous a fait, ouais. Beauvais, Lausanne, Renan, Genève. Rêve de partir, c'est patrie. Marseille, LA, New York, Paris. Pas de retour en arrière, ce qui est fait, fait, ouais. Cuba, Haïti, Maldives, Bali. Vision d'une autre vie, on marche sans nos batteries. On me dit pas de lézard, mais sur ma route, trop d'hommes de pute. Et même tu croises au boulevard, plus de 3 connards. J'ai pas m'émouvoir, je donne pas sous ses airs, faut le saisir. Puis tout jeune, j'pense qu'à ses zik, elle want sick. J'avais pas de diplôme, au début diplôme, maintenant 8 plumes, nos vies qu'on résume au cœur du cyclone. Je dis aux mômes que le vent a tourné, on a improvisé sans provision, quelle prévision tu disais. On a tout misé, les mauvais jours s'effacent grâce au rap, et chopent les pètes, les mêmes potes qui restaient investis. On rêve du Mexique, partir loin d'ici qu'on s'exalte, ça m'excite en marge. On veut des plages, des pages vierges, des idées larges. On s'insurge, putain, ça urge, tiré au large, au large. C'est comme ça que la vie nous a fait, ouais. Beauvais, Lausanne, Renan, Genève. On rêve de partir, loin de cette patrie. Marseille, LA, New York, Paris. Pas de retour en arrière, ce qui est fait, fait, ouais. Cuba, Haïti, Maldives, Bali. Vision d'une autre vie, on marche sans nos batteries. Du mal à partir, tellement peu de choix où j'en suis mal, jusqu'aux gencives. Les autres aussi rêvent d'une autre vie. D'autres vies quand le cœur saigne, je rappe comme je sais. J'ai vu dans le miroir trop de cernes, on sent des sirènes trop de scènes. Putain de mentalité, je ne veux pas plonger dans la fatalité. C'est vérité, tout est mérité. Qu'est-ce que tu crois que je vais changer, mon rap n'est qu'un message. La vie c'est sans retour où sont mes armes. Écoute mes frères d'art et d'armes. Voudrais pas un gaz, barré de là, la tête haute. On squatte les mêmes zones, le même monde. Tu vois pour nous c'est la même chose. L'horizon est anéanti, on m'a assez menti. Je pars de la vie, j'ai vu qu'une sortie. Barré par ce qu'on fait, ce que je suis. Depuis ce crédit, me fie à ce qui est écrit. L'histoire nous épie, je veux rien changer de ce que je suis. C'est comme ça que la vie nous a fait, ouais. Beauvais, Lausanne, Renan, Genève. On rêve de partir, loin de cette patrie. Marseille, LA, New York, Paris. Pas de retour en arrière, ce qui est fait, fait, ouais. Cuba, Haïti, Maldives, Bali. Vision d'une autre vie, on marche au son de nos batteries. La vie nous a fait, ouais. Beauvais, Lausanne, Renan, Genève. On rêve de partir, loin de cette patrie. Marseille, LA, New York, Paris. pas de retour en arrière, ce qui est fait, ouais. Cuba, Maldives, Maldives, Bali, vision d'une autre vie, on marche sur nos batteries. Beauvais, Lausanne, Renan, Genève, Marseille, LA, New York, Paris, Cuba, Antilles, Maldives, Bali.